Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Bonjour et bienvenue au podcast de Mac Québec. Vincent Miller à l'animation. Vous n'allez pas entendre dans ce podcast-ci Alexis, malheureusement, parce qu'il est en vacances. Il est à l'écoute en ce moment. Mais problème de bande passante, on a essayé tantôt, puis ça passait pas très bien. Fait que Alexis va nous écouter, mais va pas pouvoir participer au show. Dernier show, bonjour JF, premièrement. Oui, salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Commencer l'école? Oui, commencer l'école, le cégep. Ouais. Je suis en train de faire un deck back en informatique, puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ouais. J'ai commencé là, mathématiques, le premier cours, convertir des décimales en binaire, des bons devoirs, puis c'est le fun. Patrick Ducharme? Oui, salut. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, on a invité Patrick Ducharme parce que finalement, pour notre dernière émission aujourd'hui de la saison, on va enfin faire notre émission sur le jailbreak de l'Apple TV, enfin. Il est à temps. On pourra plus l'utiliser comme mème. On va commencer par les nouvelles en premier, puis avant, on va parler de coup de douze. Vous, en avez-vous aujourd'hui? Moi, j'en ai pas, à part que les trois derniers débats de TVA n'étaient vraiment pas nécessaires. Les quatre mois, c'est ça. Ouais. Les face-à-face. Les face-à-face, là, c'était vraiment pas nécessaire. Là. C'était à peu près la même, comme je disais plus tôt, c'était à peu près la même cassette qui nous rejouait de celui de dimanche par le consortium télévisuel. C'est ça. Moi, ça a pas été... C'était le fun, mais pas plus. Là, tu sais, je veux dire, surtout celui d'hier, là, c'était comme laver son linge sale en famille devant toute la province du Québec. Là, on n'avait pas vraiment besoin, là. François, ils se connaissent bien. Oui, ils se connaissent bien, très bien, les deux ensemble. Je pense que oui. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est très... je pense aujourd'hui, ça prenait beaucoup plus de place au niveau de la souveraineté. Là. On en entendait partout. Puis moi, en venant du cégep, là, j'ai ouvert la télé, puis la première affaire, c'était une ministre puis trois des députés qui parlaient de souveraineté. Moi, j'ai deux coups de douze, en fait, cette semaine. Le premier va au gentil voleur. Gentil est un euphémisme, mais il y a un voleur à Trois-Rivières qui depuis une semaine ou deux vole presque à tous les jours. Puis il a volé plusieurs endroits, il a volé dans une banque ou deux, là, vraiment. Puis on savait pas c'était qui, les policiers le recherchaient. Hier soir, finalement, il a pris un taxi pour aller voler une banque. Ou une caisse, peu importe. Là. Ben, une caisse, c'est quoi? Je m'en rappelle pas c'est quoi exactement, mais il a pris un taxi pour aller là. Il est allé voler, puis il est revenu reprendre son taxi, puis il est parti. Avec son sac plein de cash. Là. Ben, probablement. J'ai pas entendu vraiment tous les détails, mais il a repris le taxi. Puis là, après ça, il paranoïait un peu. Il pensait qu'il était suivi. Fait il a demandé au taxi de débarquer à quelque part. Puis, il a décidé, comme ça, de trouver un immeuble, puis de rentrer dans un des immeubles pour se cacher ou pour essayer de fuir les personnes qui pensaient être suivies. Finalement, il est rentré dans un appartement où il y avait un policier en civil qui était en vacances, qui était là chez eux ou chez des invités. Puis, il s'est fait maîtriser, il s'est fait mettre à terre. Puis là, le policier a appelé la SQ. Puis ils s'en est chargé, ils l'ont arrêté. Mais oui, c'était pas assez, c'était assez winner son affaire. Mais ça ferait un bon scénario de comédie. Ben oui, j'espère qu'il y a personne qui a été blessé depuis les fois qu'il a volé là, tous les jours. Mais oui, effectivement. Puis le deuxième coup de dose, ça va à un juge qui est un juge du Texas, en fait, qui a fait une déclaration. Faut dire que dans le Sud, ils sont très républicains. Puis il a fait une déclaration en disant que c'était pas une bonne idée que Obama se fasse élire, parce que si jamais Obama se faisait élire, probablement qu'il y aurait une guerre civile aux États-Unis. En fait, c'était sûr qu'il allait avoir une guerre civile aux États-Unis, parce que Obama allait rentrer les soldats des Nations Unies partout aux États-Unis pour aucune raison. Là. Obama serait supposé de faire ça, d'après lui. Il va envahir les États-Unis, selon lui. Oui, c'est ça. Il apporterait les Nations Unies, les soldats des Nations Unies aux États-Unis. Exact. Puis là, il y aurait une guerre civile, les personnes prendraient les armes, puis il y aurait des émeutes, il y aurait une guerre civile finalement aux États-Unis. Fait qu'il fallait pas élire Obama pour ça. Ça fait un peu le tour aujourd'hui, là. C'est n'importe quoi, là. Moi, par expérience, je suis un peu plus les États-Unis parce que je suis américain, puis ça m'intéresse un peu plus. Puis vraiment, au Texas, là, c'est une gang de winners, là. Dans leur déclaration, là, je pense que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une couple de mois, il y a un gouverneur même qui avait enregistré sa fille en train de... je pense qu'il avait tapé sa fille avec une espèce de bâton pour la corriger. Puis oui, oui, oui. C'était sur... c'est ça, c'était enregistré. Avec sa femme, là. Ouais, puis il y a un autre qui avait... Mmh. Je pense que c'est une entreprise en informatique qui avait pour... punir sa fille d'utiliser son ordinateur, avec tiré dans son, ouais, son matériel informatique. Je me souviens de ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial là-bas. On va commencer les nouvelles parce qu'on a quelques nouvelles, puis ensuite le jailbreak. On a quelqu'un dans le chat qui dit que si Charest rentre, on va en avoir une guerre civile. Ouais. C'est qui C'est Michel 1, 2, 3. Michel 1, 2, 3. Donc, première nouvelle. On voudrait dire à tous nos auditeurs, allez voter le 4 septembre. Oui, oui, ouais, allez voter, c'est important. Ouais. C'est important, peu importe pour qui vous allez voter. Là, à un moment donné, on n'influencera pas personne, mais allez voter pour le parti que vous allez vouloir. Ouais. Puis même si vous ne pensez pas que le parti, si par exemple vous allez voter Option nationale ou Québec solidaire, ben, n'oubliez pas qu'il y a un montant qui est donné au parti qui est donné quand vous votez. Je pense que c'est 85 sous qui est donné. Donc, par exemple, si vous allez voter Option nationale, il va y avoir 85 sous qui va être donné pour eux, pour les aider finalement les prochaines fois, puis pour soutenir le parti. Puis mettons que quelqu'un annule son vote, est-ce qu'il envoie 85 sous à toutes les personnes que tu as cochées? Ou? Non, je pense pas. Ça, je pense pas. Que c'est... Non. Je pense pas. Faut que le bulletin de vote soit en bonne et due forme pour que le DGE passe ça pour le parti. Ouais, puis moi, je vais faire ma part. Vu que je suis à Sherbrooke, c'est sûr que je vais aller voter. ouais, hein, c'est comme c'est vrai, ouais. Le comté de M. Charest. Ouais, mais ouais. Il est en péril. Là. Mais en tout cas, on n'est pas ici pour parler politique. Là. C'est pas un show de politique non. À soir. Là. Exactement. On est ici pour parler les choses à Apple. Faudrait dire aussi qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé durant les deux dernières semaines. On attend toujours l'annonce officielle de Apple qui est supposée d'être le 12 septembre. Rumeur encore, parce qu'il n'y a pas personne, on n'a pas reçu nos invitations. T'sais, on est tellement big que chaque développeur. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Dès que tu as un compte développeur, tu reçois une invitation. Là. C'est comme. C'est de même que ça fonctionne. L'invitation au Moscone Center, puis tout le gros kit. Oui, c'est ça. À 1500$ de disquette. Là. Fait que c'est ça. Merci. Mais c'est ça. À part ça, on a déniché une petite quantité de nouvelles pour vous. On va commencer aujourd'hui par la mise à jour de macOS Mountain Lion à 10.8.1. qui règle quelques petits problèmes, mais qui est encore une version préliminaire du système en tant que tel, qui devrait être à 10.8.3, comme on dit toujours, que le système est vraiment prêt quand c'est une version 10.8.3. Ça corrige quelques petits bugs côté Thunderbolt avec les écrans qui sont munis du Thunderbolt. Ça corrige aussi il y avait beaucoup de monde qui se plaignait, dont moi, avec 10.8, j'avais des coupures de Wi-Fi. Alors, les pilotes de la carte, en tout cas pour le modèle que j'ai de mon Mac, les pilotes ont été mis à jour avec cette version-là. Okay. Sinon, c'est rien, là. C'est comme... si vous faites votre mise à jour par la Mac App Store, ça prend 7 megs, là. T'sais, c'est comme... c'est vraiment pas grand-chose comme, comme okay. mise à jour, là. Ils ont pas perdu de temps, quand même. Tu l'as-tu fait, toi? Moi, je l'ai fait. Puis tu l'aimes-tu ou ça, tout ça change absolument rien? Moi, sérieusement, j'ai pas vraiment vu grande différence, là. Je sais qu'ils parlaient aussi de... qu'ils corrigeaient iMessage, certains messages qui se rendaient pas. OK. Mais okay. Je sais pas, là. À date, je l'ai fait aujourd'hui à 4 heures, fait que j'ai pas eu le temps de le tester. Il ouais. faut dire que si, comme Jeff le dit, si c'est des modifications mineures, tu ouais. disais quoi, 7 megs? Ça prend 7 megs. OK, puis il faut faire un redémarrage aussi. Il faut faire un redémarrage, ouais. parce que vu que ça va dans le système et les pilotes de certains, le Thunderbolt et les cartes Wi-Fi, alors ça prend seulement un redémarrage. Mais Apple, en même temps, dans la même journée, ont sorti la première bêta de 10.8.2, que elle est plus huge, vraiment, à comparer de la 10.8.1, parce qu'elle intègre le système complet à Facebook, l'intégration Facebook qui n'est pas par défaut... à la sortie qui a eu lieu le 29 juin, juillet. Je sais plus quelle date qui est sortie. Quelle date qui est sortie, Mountain Lion? J'ai un blanc, là. Je m'en rappelle plus. Je pense que c'est le 29 quelque chose. Je pense que c'est le 29 juillet. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont cette mise à jour-là, dont ce que je roule présentement pèse environ 675 MB. Alors, elle intègre Facebook dans iMessage, dans iPhoto. Tout le système au complet, Facebook est intégré dedans. Les partages sur Facebook, est-ce que c'est là ou c'est pas encore là? Les partages sur Facebook, bonne question. Parce que je pense que j'ai vu ça tantôt passer sur Twitter. Il y a du monde justement qui disait que c'était pas nécessairement là. Si par exemple on va dans Aperçu pour partager une photo, Twitter est là déjà, mais Facebook serait pas là ou quelque chose comme ça. Ah oui, t'as peu, je vais te le dire drette là. Mais non, c'est ça. Fait que la mise à jour fait environ, comme je vous disais, 675 MB environ. À part ça, j'ai pas eu le temps vraiment de la tester, parce que je sais que j'ai vu... il y a eu une belle chose aussi. Le numéro de téléphone, mettons, de votre cellulaire iPhone est maintenant intégré à iMessage sur votre Mac. Ah, ouais? Ce qui n'était... Ouais, ça, c'est le fun, ça. Ouais, ce qui... Si quelqu'un m'envoie un iMessage à mon numéro d'iPhone, ça rentre sur mon Ça va rentrer sur ton Mac, ouais. Fait que c'était pas là avant. Alors, quand vous faites la mise à jour, en tout cas, quand j'ai fait la mise à jour, quand j'ai redémarré l'ordinateur, il me dit « Ah, vous avez un iPhone, voici le numéro de téléphone qui va être ajouté à votre iMessage. » Alors... Ah, mais c'est bien. Et oui, le partage de photos de Facebook est intégré aussi dedans, dans Aperçu. Ah, ok, bon. Fait que, bon, ben cool. Il est là. On a hâte que ça sorte. C'est ça, la mise à jour de 10.8.1 est sortie aujourd'hui, puis la 10.8.2 pour les développeurs qui devrait sortir dans quoi? Deux semaines? Ben, deux, trois semaines? Moi, je dis à peu près qu'elle va sortir, mettons, s'ils sortent. Un mois, ouais. Ouais, peut-être plus un mois, parce que moi je dis à peu près vers le 21 septembre, parce que vu que la rumeur dit que le iPhone 5 va sortir le 21 septembre avec iOS 6, alors que iOS 6 intègre déjà la version Facebook, alors il faut qu'il sorte la mise à jour Mountain Lion 10.8.2 avec cette... d'après moi, ça va être le 21 juin. Donc, OK, bon, autour de cette date-là. Oui. OK. Prochaine nouvelle, les faux textos qui ont commencé à frapper les utilisateurs de cellulaires en général, mais la particularité, parce que ça existe déjà plusieurs, ça existe partout dans le monde, ces faux textos-là, mais cette particularité-là, c'est un faux texto sur un concours d'Apple qui circule sur le web puis sur les cellulaires, là. Donc c'est ça. Moi, personnellement, j'ai vécu le même problème. Je veux dire, j'ai vu, je pense que ça fait plusieurs jours, le 20 août, l'article est apparu sur MacQuébec. Puis, je pense qu'hier, j'ai reçu le même message que, je pense que c'est, bravo, vous avez gagné un concours avec Apple pour avoir votre prix. Vous devez aller sur le site puis rentrer le code suivant. Il est en anglais, ton message aussi. Oui, je l'ai traduit à la volée, là. C'est ça, vous recevez un code, puis ensuite, vous rentrez ça sur le site. Mais évidemment, c'est pas vrai. Moi, j'ai gagné un iPad. T'as gagné un iPad? Oui. Ouais, moi aussi. J'ai gagné un iPad. Moi, j'ai... C'est la première fois que je recevais un spam, justement, par téléphone. Puis comme j'en parlais avant l'émission, j'ai reçu un deuxième spam aujourd'hui. Donc, en 24 heures, j'en ai reçu deux. Pas la même chose, mais ça, c'est quelqu'un qui me donnait $1 million. En fait, 1 million de livres. Donc, j'ai envoyé l'information. Là, il devrait me répondre bientôt. Là. Il me l'a promis. Là, fait que ça devrait être... T'as envoyé un spécimen de chèque? C'est ça. Exactement. Puis, ben, le truc pour enlever ça, je pense que c'est... Il faut répondre spam ou stop all. Je sais pas... Je pense que c'est spam, finalement. Là. La correction, vous tapez 7726 ou le mot spam dans votre messagerie, vous transférez sur ce code-là. Puis Bell, par exemple, dans le temps, il créditait un 15 sous pour votre... Ah ouais. Pour le SMS, dans le temps, c'est ça. Fait que je sais pas si pour l'instant, ils le font. Quelqu'un dans les commentaires, le Steve Bellul qui commentait ça, mais il sait plus encore si maintenant ils le font pas. Je pense plus qu'ils doivent le faire parce qu'ils sont juste cheap là, maintenant, fait qu'ils doivent sauver 15 cents à chaque fois. Ben, je sais pas, mais ce qu'il faut dire aussi que à cette heure, les forfaits texto illimités, là, les entrants sont souvent illimités. Les entrants et les sortants sont illimités. Fait que je pense pas que. Hey, j'ai reçu. À moi, la seule affaire que tu peux faire, c'est que, mettons, tu appelles chez Bell, Rogers, Fido, toute la gang. Là. Tu leur dis, j'ai reçu un tel spam. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais je pense pas qu'ils peuvent le bloquer parce que c'est souvent des numéros tous différents. T'sais. Mais ouais, c'est bizarre. Mais le problème, c'est qu'on sait pas c'est comment ils font pour faire ça. Parce qu'une fille qui travaille avec moi à job, elle a un Nokia, tu sais, un ancien Nokia avec Sibyl dessus, tu sais, une vieille affaire, là. Puis elle a reçu le message cette semaine, tu sais. C'est comme, ouais. Elle montre ça, tu vois, non, c'est une fraude, fait que réponds pas à ça. C'est comme... Ouais, je l'ai reçu sur mon Android aussi. Ah, mon Dieu! Y a-tu brûlé? Non, mais j'ai hâte au iPhone 5. Ah, ouais, c'est ça. C'est pas ouais, ça. Ben, tout le monde a hâte. Tout le monde a hâte, oui. Moi, j'ai vraiment hâte. Ouais, moi aussi, parce que là, moi je suis dû, moi aussi. Là, j'ai plus hâte que toi. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'as le 4S. Nous autres, on l'a pas, moi et Vincent, on a juste le 4, tu sais. Ah, c'est vrai, t'as pas le 4S, toi. Hein? Non, non, non. Non, non, moi, je change pas ça à tous les années. Là, je suis pas millionnaire comme... Excusez. fait que c'est ça. Fait que je le change pas... Je le change pas à tous les ans. Ou aux 6 mois, mettons. Fait que c'est ça. Ensuite, autre nouvelle. On a eu aujourd'hui une mise à jour sur iOS de l'application Facebook. On sait que Facebook, avec l'application sur iOS, avait beaucoup de problèmes parce qu'elle roulait HTML5. Et Facebook a dit que HTML5, c'était mal. Fait que c'est ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont pas dit ça de même, là. Non. Mais ouais, c'est vrai surtout que... Surtout qu'ils sont pas capables de le faire marcher bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça qu'ils ont... T'sais, au lieu de faire une application solide, ils décident, ah, ben, je vais faire une interface web, puis je vais tout faire le traitement chez nous. C'était pas une bonne idée. Non, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, en plus, là, aujourd'hui, ils ont sorti ils ont réécrit l'application complet. L'application apporte pas beaucoup de nouvelles choses. Elle apporte plus de la vitesse parce qu'avant c'était extrêmement long. Là. C'était comme t'avais le temps d'aller te prendre un café avant que tes news se mettent à jour. Puis c'est ça. Fait que la version elle fonctionne bien. Il faut dire qu'ils l'ont bien. Elle a une couple de petits bugs que j'ai vu tantôt. Mais elle fonctionne très bien. Là. C'est vraiment la vitesse qu'ils ont corrigée en réécrivant. Je sais pas en quoi qu'ils l'ont réécrit. Je l'ai lu plus tôt. Je pense que c'était pas en C++, mais en Cocoa ou en... Je sais plus l'autre. Là, c'est quoi l'autre? Cocoa, puis l'autre, là, c'est quoi? Tu parles... Mais il y a... Ben, ça doit être en Objective-C. Tu parles en Objective-C? Ouais. Ou en Coconut. Coconut, ça ne roule pas là-dessus. Non. Non. Il y a du Java. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que non, c'est comme. Du Python. Ouais, c'est ça. Non, fait que l'application, ceux qui l'utilisent beaucoup, je suggère grandement d'aller faire vos mises à jour. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit, disons. Mais c'est Tigido, il dit que c'est encore lent sur iPad. Ah! OK. Mais est-ce native, elle, iPad, ou c'est... Oui. Elle est native, elle? OK. Ben, c'est une appli universelle, dans le fond. OK, universelle, OK. C'est bon. Moi, personnellement, comme je l'ai pas essayé, mais il faut dire, là, en ce moment, l'application, c'est Facebook. Elle n'intègre pas encore la section messages. Hein. En ce moment, c'est encore une application séparée. Oui, mais ils ont dit quand même qu'ils ont tout intégré un API en arrière pour toutes les trois applications. OK. Fait que dans le fond, ils vont essayer de merger ça ensemble pour que ça fasse une application, j'imagine. C'est bizarre de faire plusieurs applications séparées. Parce que moi, personnellement, quand j'avais pas l'application, ça popait sur mon Facebook. J'ouvrais mon application. Puis quand finalement, ça finissait de loader, j'écrivais à personne. Maintenant, c'est Message qui pop, l'application Message de Facebook. Puis je réponds à personne encore une fois. C'est la même interface. Je sais pas s'il y a un concours où ils essayent de faire le plus d'applications possible. Mais, c'est comme l'application Page Plus de Facebook. Elle n'est pas intégrée dans l'application Facebook en tant que telle. Quoi ça? L'application Page. Tu sais, mettons les pages, mettons la page de Mac Québec quand on veut répondre à quelqu'un, il y a une application pour ça. Elle n'est pas intégrée dans l'application Facebook. Fait qu'on reçoit tout le temps, moi je reçois tout le temps une notification sur Page pour voir qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur la page de Mac Québec. Alors, je suis obligé de passer sur cette application-là si je veux répondre à la personne. Là. Fait que. Okay. Mais c'est ça. C'est comme. Je sais pas pourquoi comme tu dis, je sais pas pourquoi qu'ils le font pas en une application, tu sais. Fait que. C'est un peu. Parce que, tu sais, ils pourraient se baser sur le site web, parce que, tu sais, tout est intégré sur le site web, là. Fait que. Ouais, ça fait gossant d'avoir des affaires séparées. Ben ouais, c'est ça. Mm. Tu sais, c'est comme. Ah, c'est bizarre. Mm. Passons à la prochaine question. Oui, la prochaine question. Oui, une autre question. Ben oui. C'est plus tard, ça. Oui, c'est ça. Dans l'autre. On a d'autres questions tantôt. Là. Mais prochaine nouvelle, c'est. Non, c'est ça. C'est pas la cap. Non, c'est le Apple Store à Brossard. Une rumeur qui, en fait, est presque confirmée. J'ai malheureusement pas vu la page parce qu'il faut dire que ce serait confirmé par des petites annonces. Sur le site d'Apple, ce qu'ils font normalement, c'est qu'ils mettent les offres d'emploi des différents Apple Store partout dans le monde. Ce serait confirmé par là. Malheureusement, j'ai pas trouvé. On a un print screen d'écran, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Puis je sais pas si vous êtes allé vérifier, mais moi, je l'ai pas trouvé sur le site d'Apple en tant que tel. Je sais pas si vous avez vu ça quelque part. Non, j'ai pas trouvé l'adresse non plus. C'est bizarre. Si ça a été confirmé, ça a été vu, puis ensuite ça a été retiré, ça se pourrait très bien. Pourtant, une offre d'emploi, c'est parce qu'ils cherchent des employés pour un nouveau Apple Store. S'ils le mettaient dessus, c'est normal justement parce qu'il n'y a personne, il faut qu'ils trouvent du monde. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils l'aient enlevé s'ils l'ont fait, ou sinon c'est un peu plus dur à trouver. Puis on n'a pas pu confirmer, Mac Québec n'a pas pu confirmer, mais ce serait confirmé par certains print screen d'écran. La nouvelle a été rapportée par iPhone in Canada. Fait que, espérons que. Je le suis pas personnellement, là, mais espérons que ce soit une nouvelle véridique. Ça serait le fun parce que. Moi, je serais content parce que j'habite à Sherbrooke, fait que ça serait plus proche. Oui, ça serait plus proche. Faut dire aussi qu'ils ont parlé aussi du Carrefour Laval qui agrandirait celui du Carrefour Laval parce que je sais pas si vous y êtes déjà allé. Ouais, c'est petit. Hein? C'est petit. C'est comme. C'est petit, là. C'est pas immense comme place, là. Alors, il l'agrandit. C'est tout le Genius Bar. Hein? Oui, c'est ça. T'sais, tu rentres puis t'arrives direct d'un gars en bleu, là. Ah oui, c'est vrai, oui. Comme... Ben, il n'est pas très profond non plus. Non, il n'est pas profond. Non, c'est ça. Puis la fois que je suis allé pour une réparation, il y avait un line-up presque jusque dehors de gens qui longeaient le mur pour un rendez-vous au Genius Bar. J'ai-tu vu cette semaine passée qu'il y a à peu près 18 millions de personnes qui vont au Genius Bar par année chez Apple? Quand même. Ouais, j'ai vu ça moi aussi. Ouais. Je pense que c'est 18 millions que j'ai vu passer. Ça vient de me faire penser à ça. Là. Fait que c'est quand même beaucoup de monde là, qui vont voir les petites personnes en bleu, tu sais. Les petits schtroumpfs bleus. N'a pas se tromper avec les personnes en bleu dans les magasins Samsung. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils vous aideront pas là. il disait 50 000 personnes par jour. Ouais, c'est ça. C'est, hey, c'est 50 000 personnes par jour. C'est du monde. Ça fait du monde. C'est ça. Mais sauf qu'il faut dire aussi que si, mettons, c'est, si c'est vrai cette nouvelle-là, qu'ils vont le sortir à Brossard, ça va enlever beaucoup de monde à celui sur Sainte-Catherine. Là. C'est sûr. C'est comme... celui que j'allais, moi. Oui, c'est ça, parce que il est correct, celui de Sainte-Catherine, mais il est petit, tu sais, c'est comme, il est pas gros, tu sais, puis tu vas pas là la fin de semaine, disons, tu sais, parce que sinon, c'est pas allable, là, fait comme, il y a tellement de monde qui vont là, mais... C'est quasiment comme touristique. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, là, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose, là, tu vois, la Apple Store, tu sais, ah, ils ont un Apple Store ici, tu sais, mais c'est ça, mais j'aime, moi, je suis sûr que si, mettons, ils en ouvriraient un à Brossard, je sais pas, ils vont peut-être le mettre dans le 10-30, ça serait pas pire, tu sais, s'ils ont assez de cash pour se louer un local au 10-30, ah, oh, probablement. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas le cash qui leur manque à Apple. Ça enchaîne avec l'autre nouvelle, tu sais. Fait que... Ouais. Oh, OK. Oh. Ouais, OK, c'est vrai. Mais en fait, l'autre nouvelle, c'est la Apple qui a atteint d'autres sommets. Apple devient la plus grande capitalisation boursière de tous les temps. Donc, dépasse Microsoft qui l'avait atteint en 99, je crois. Oui. Oui, le 31 décembre. Le 31 décembre. Le quoi? 31 décembre 99. Ah oui? Bon. En fait, c'est parce qu'il y avait émis d'autres actions. Puis je pense que chaque action était à 120$ ou quelque chose comme ça. Puis effectivement, ça a tenu un plafond. Je crois que ça. Je pense que c'est près de 625 milliards de dollars. Je pense que ça a été atteint. C'est quelque chose. C'est immense. C'est comme, il pourrait payer trois fois notre dette au Québec. Là. C'est comme... La dette au Québec, puis d'autres dettes aussi. Là. Ouais, ouais, non, mais. La dette du Canada, sûrement. Ouais, je sais pas quoi, combien qu'elle fait, la dette du Canada, là. Mais trois fois la dette du Québec. Là. Mais c'est comme, c'est l'enfer. Là. C'est comme, c'est rendu un monstre. Là. On le disait avant, mais maintenant, c'est vraiment rendu un monstre comme compagnie. C'est comme c'est inimaginable, là. Ça va-tu arrêter, ça va-tu monter, ça va-tu descendre? Tu sais, les analystes, je me souviens plus, je pense c'est au Canal Argent, puis ils disaient que ça, tu sais, si ça continue à augmenter, parce qu'il va falloir qu'ils achètent, tu sais, il va falloir qu'ils achètent du stock pour faire continuer à grossir. Ben oui, c'est ça, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Là. Hey, c'est 600... Combien tu as dit? 663 milliards? 125 milliards. Ah, 625 milliards, mais quand même, c'est de l'argent, là. Tu sais, c'est comme... Avez-vous lu la nouvelle qui disait que juste les ventes de iPhone dépassaient la totale des ventes de tous les produits de Microsoft? Oui, je l'ai vu, oui. Quand même. C'est pour dire que... C'est ça. C'est malade, là. Ah, ils font de l'argent, là. Je pense que l'iPhone, de base, il vaut quoi? Autour de 300 quelques dollars, puis ils vendent quoi? 600-700? Ouais, 699, je pense, le modèle. Ils font à peu près, je pense qu'ils font 50% de profit sur le téléphone, là. Fait que c'est ça. Je pense que c'était 350 quelques dollars quand j'étais allé pour mon iPhone pour aller le changer. Puis le iPhone 4S existait. Mm-hmm. Ah non, en fait, il était à 254. Bon, peu importe, mais le prix était écrit dessus. Là, la valeur réelle ou qui faisait pas une scène, ça leur coûtait ce prix-là. J'avais été étonné, vraiment. Ils font de l'argent. Là. C'est leur gang-pain. Là. C'est pour ça qu'ils ont fait plus de 100 milliards de dollars d'un coffre en ce moment. Là. Ils ont-tu commencé à donner leurs dividendes? Je sais pas. Ça, je l'ai pas vu, par exemple. Je sais pas s'ils ont commencé à le donner. Je pense que c'était cette semaine ou la semaine passée. Ah ouais? Ah. Ça fait pas longtemps, hein. Ouais, je n'ai pas entendu parler. J'ai fait une petite recherche vite. Je me suis créé une job sur Apple et le Brossard apparaît dans la liste des résultats. C'est confirmé par Mac-Québec. Ouais, fait que c'est confirmé. Applique dessus. On peut pas, c'est non-invalidable. Fait que c'est marqué non-invalidable. Fait que c'est comme, je peux pas appliquer dessus. Ben, de toute façon, es-tu allé sur le site d'Apple.com ou Apple.ca? Apple.ca, puis dans Jobs, puis là tu fais tes recherches, puis je suis tombé sur la même image qu'on a vue sur iPhone in Canada. Fait que c'est ça. Fait que c'est. Ça devrait être bientôt devant. Ça devrait être bientôt. Ok, cool. On va savoir dans pas long parce que c'est pas trop long, hein. Tu sais, quand tu vois une bâtisse se créer, là, fait que je suis sûr qu'ils vont le mettre au 10-30, là, fait que c'est presque sûr, là. Ben, il parlait, je pense, du mail. Le mail Champlain. Ah, ouais! Ouais. Ah. J'ai vu ça passer. Moi, c'est cette nouvelle-là que j'ai reliée. J'ai relayé sur l'article de Ma Québec. Mais il y a des personnes, justement, qui parlaient dans Facebook que ce serait plus intéressant, probablement, au 10-30. Je suis jamais allé, là. Je sais pas à quoi ça ressemble, là, vraiment. Mm-hmm. C'est gros. C'est gros. Ouais, c'est gros. C'est un quoi? C'est un centre d'achat? C'est plus un genre de pôle de magasinage. Il y a tellement de magasins. Ouais. OK. Mais okay. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr. On est rendu à la dernière nouvelle pour aujourd'hui. C'est une nouvelle que j'ai rajoutée enfin, tantôt quand on préparait le show, là, juste avant de commencer le show. Moi, je trouve ça intéressant. On en parlait tantôt. Je m'en achèterais si on pouvait en acheter. C'était disponible pour l'instant. Ça ne l'est pas. Une ampoule Bluetooth contrôlée par l'iPhone. En fait, c'est super simple. C'est justement une puce GPS. GPS. Ouais, on a besoin de savoir par GPS sont où nos lampes. Ouais. Par Bluetooth, il y a une espèce de puce Bluetooth qui est insérée dans l'ampoule. Si vous allez voir l'article de Ma Québec, on voit très bien la photo qui est contrôlée par une application. Donc, vous pourriez avoir plusieurs lampes, utiliser votre application iPhone puis contrôler la lampe comme ça. C'est une lampe, je dis une lampe, mais c'est une ampoule LED. Mm-hmm. Puis, j'ai lu rapidement, puis on peut même contrôler l'intensité de la lumière. Donc, je sais pas si on peut en contrôler vraiment une quantité astronomique de lumière, mais c'est moi, j'aimerais ça m'en commander une. Là. Tantôt, tu es allé voir Patrick, puis c'était pas encore disponible. Non, c'est ça, je viens d'aller voir, c'est bluetoothbulb.com. Okay. Puis c'est toujours non disponible. Le lien webshop, il est biffé, puis si on clique dessus, ça fait rien. Ok, ouais. Bon. Fait qu'ils doivent tout en avoir vendu, c'est comme. Ouais, c'est probablement que le site, soit il est comme à moitié planté, soit qu'ils ont tout vendu. Ou ben c'est comme que... le iTypewriter qu'on a vu cette semaine aussi passer là, pour l'iPad. Là. C'est comme. Oui. C'est beau, comme ça a l'air beau. Ouais. Moi, personnellement, je taperais pas ça parce que j'aime mieux un clavier qu'enfoncer des touches comme ça. Là, mais... mm-hmm. Ah, Alexis dit que c'est un prototype, la lampe. Il n'est pas encore disponible. Ah, ok, bon. Ah, qui c'est un prototype. Mais qui prendrait le Bluetooth 4.0, fait que ça prend moins d'énergie. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais... J'avais-tu d'autres choses, vite, là? Je suis pas en train de penser, parce que, comme on vous disait, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas vraiment de nouvelles cette semaine. Ben, il y a une petite nouvelle, les nouveaux iPads qui sont maintenant dans le refurbish là, d'Apple. Ouais, ben ouais. Sur le site, mais ça, c'est... Je pense que c'est bon. Même il est à 469. Le prix de base, normalement, c'est 519 pour les nouveaux. Mais dans le refurbish, c'est à 469, donc c'est intéressant, 50$ d'économie. Ben, même avec le LTE, ils sont dedans. Ah oui? Oui, c'est ouais. Ça. Il est 599, le 16 gig. C'est 50$ de moins. Pour le LTE? Pour le LTE, oui. Ah, quand même. Ouais. Ça a du sens quand même. Bon, moi, j'ai le 32, mais je me suis dit que ça avait coûté 32, cher. 32, il est 699. Pour 80$ de plus que le 9, normalement. Tu sais, c'est un produit qui est pas mal neuf. Là. Toutes les pièces qui auraient été usées sont remplacées. Mm-hmm. Puis, tu as le LTE, justement, qui. Donc, tu as 80$ de différence entre le 9, qui est à 519, puis à 599 pour le LTE. 80$ de plus pour le LTE, je trouve ça intéressant. Mm. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on a fait le tour de nouvelles. Ouais, c'est ça. Mais toi, Patrick, je sais que j'ai vu cette semaine te passer un petit message sur Twitter à Rogers. Tu n'as pas encore le LTE, toi, à Sherbrooke. Non. Vous êtes seul au monde? Ouais, on est cru, ça a l'air. Ah, non, okay. Mais c'est supposé d'être avant la fin 2012, selon. Okay. Ce qu'ils ont dit il y a quelques mois. Mm-hmm. Puis là, j'ai vu que cette semaine, ils l'ont lancé à Moncton. Mm-hmm. Fait que ils m'ont répondu que c'était pour bientôt, mais il n'y avait pas de date officielle. Mais là, toi, est-ce que tu payes le forfait LTE ou tu payes ton... Non, ben c'est le même prix, moi. OK. Dans le fond, j'ai quand même l'option LTE dessus, mon forfait data, mm-hmm. mais je l'utilise en 3G en attendant, mais elle ne me coûte pas plus cher. OK. OK. Okay. À Trois-Rivières, Vincent, le LTE, es-tu là? J'ai aucune idée. Tu sais pas? Okay. Je ne penserais pas. Je pense que au Québec, là, je pense que juste Montréal, Québec, Laval, puis... Ah oui, puis c'est vrai, Pointe-Calumet se rentre pas. Allô, Alexis! Allô, Alexis! lui, il a l'iPad 3, je pense, hein? Ouais. Ah, ouais. Il est fun. Ouais, le Retina, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Ouais, mais c'est un bel écran. Ah oui, hey, j'ai quelque chose. Oui, vas-y. Ben, j'allais juste dire, je trouve ça intéressant, vraiment, la fluidité. Puis quand on lit, je l'avais tenu un peu pour lire. C'est quelqu'un à mon ancien travail qui l'avait. Mm-hmm. Puis il y avait le livre de Steve Jobs comme moi. Puis vraiment, je voyais le. Donc tu n'as pas fini de lire. Et pas les pixels, là. C'était vraiment intéressant là, comme lecture. Je pense que la densité de texture et de pixels, c'est quoi? C'est 320? Non. Non, c'est dans les 200. Ouais, 320, c'est. 320, c'est je pense que c'est l'iPhone, ouais. Ouais. Mais les autres, ils disent que dans le fond, vu que tu le tiens plus loin qu'un téléphone, ça s'équivaut. Mm-hmm. Ouais. Mais. Il double la résolution, en fait. C'est ça le Retina. Tu doubles toujours la résolution comme le MacBook Pro Retina aussi. Là. Ouais. En parlant du MacBook Pro, hier à Monsieur Net, ils ont fait la critique du MacBook Pro Retina, tu sais. Puis moi, ce qui m'a fait rire, c'est que la personne qui faisait la critique du MacBook Pro Retina disait que le prix était abordable. Je sais pas où ce qu'il vit, là, mais à 2003, 2004, je pense qu'il se vend, le de base, là. Ouais. Mettons qu'il fait encore vivre le stéréotype que le monde qui achète des Mac, c'est des riches. Là. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais, c'est pas abordable, là, je m'excuse. Là. C'est vraiment pas abordable. En tout cas, pour moi, c'est pas abordable. Là. C'est comme, c'est peut-être bien beau, là, peut-être bien bel l'écran, mais c'est vraiment pas abordable. Bon. En tout cas, personnellement, je suis loin d'être riche. Vous avez pas vu mon compte de banque en ce moment, je suis étudiant. Puis ça roche. Lâche pas. Ouais, moi, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, là, mais moi aussi, je vais attendre avant de payer mes frais de scolarité. Là. je suis ma... Je pense que c'est la FERC, mon association étudiante. Puis écoute, je suis leur conseil, c'est mon association, mon syndicat. Oui, c'est ça, c'est vraiment le mot, le syndicat. Bon, on va parler de... Apple TV. Du Apple TV, le job break. Oui. Ben Vincent, vu qu'il n'y en a pas une, tu vas pouvoir peut-être commenter sur certaines choses en tant que programmeur, parce que c'est quand même de la programmation, ça. Là-dedans, il doit y avoir un peu de programmation quelque part. Ouais, tu sais, il y a des codes à injecter dans la machine pour qu'on ait accès. Fait qu'on a invité Patrick Ducharme pour nous parler du jailbreak de l'Apple TV et de la... La Boxybox. Et qu'est-ce que la Boxybox pour ceux qui ne connaissent pas? Un lecteur multimédia, mais aussi qui lit du contenu en ligne avec plein de sites. Là. OK. Il se réfère à quel site en peu près, là, grosso modo? Tu veux dire quel site de streaming qui supporte maintenant? Ouais. Quelles applications? Oui. Ben, t'as Netflix, t'as aussi un navigateur Internet intégré. Donc, tous les sites, mettons, de canal de télé, tu peux les utiliser. C'est tout intégré dans l'interface. Il va comme lire les sites, puis il te fait comme une interface différente avec les pochettes des séries télé, mettons, sur les sites. Puis là, tu peux lire ça facilement. Mais comme tu m'avais dit quand on avait été chez toi pour le lancement du hype. Non, c'est quoi? Pourquoi qu'on est à Sherbrooke? Donc, je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle plus. WWDC. Ouais, c'était quoi? C'était pas un keynote. Ah oui, c'était le keynote, mais c'était Mountain Lion puis les MacBook Pro, c'est ça. Ouais. Fait que, c'est ça, mais il faut vraiment que, mettons, le film que tu mets dans ta Boxybox, il faut vraiment qu'il soit bien écrit pour que le cover... Ouais, c'est ça. Ça se base sur le nom de fichier de ton fichier de film, entre autres. Là. OK. Ça, c'est pour les fichiers locaux, là, mais tu peux les mettre sur un disque dur réseau, tu peux les mettre sur fonctionne ton avec ordi, un NAS. Tu peux brancher un disque dur USB, il y a deux ports USB là-dessus. OK. Il y a même une fente SD pour. Ok. SDHC ou SD tout court? J'avoue que j'ai jamais utilisé la fente SD. Ok. On passe à un autre sujet. Là, tu parlais de sites, par exemple Netflix. Pour les Américains, puis j'imagine qu'il y en a comme des milliers qui nous écoutent en ce moment. Là. Pour les Américains, y a-tu, par exemple, des services comme Hulu ou ces choses-là aussi? Nous, évidemment, qui ne sont pas disponibles. Hulu, c'est le grand absent de la plateforme Boxy. Ils l'ont promis en même temps que Netflix, il y a peut-être 2 ans. Ou 1 an et demi, en tout cas. Puis il n'a jamais vu le jour sur Boxy. Okay. Donc, il y a juste Netflix, mais il y a quand même environ 250 autres applications. Entre autres Revision Tree, plein d'autres sites, là, celui qui fait Léo Laporte, ces podcasts. Il y a beaucoup d'applications de podcasts aussi. Mm-hmm. C'est quand même bien. Le seul problème de cette plateforme-là, c'est qu'elle est basée sur une puce Intel CE4100, puis Intel a abandonné ce marché-là. Fait que Boxy ont comme un peu de la misère à faire des mises à jour là, pour corriger les bugs et ces affaires-là, parce qu'ils ont comme plus accès aux outils de développement. Là. Fait que c'est le fun. C'est ça. Mais c'est sorti en quelle année, ça? C'est sorti, c'était pas l'année passée, je pense que c'est l'année précédente. Ah, OK. Fait qu'il fait peut-être que... Mais qui fait Boxy? C'est manufacturé par D-Link actuellement, okay. Mais il y a aussi Yomega qui en fait une, mais pas disponible en Amérique du Nord. Les Zip, là, tu parles là, à Yomega, là, ouais? Ouais. Boy, OK. Ils se recyclent, les autres aussi. Ouais, c'est ça. Ils font pas comme Kodak, mais bon. Ouais, c'est ça, mais tu penses-tu qu'ils sortiraient une version peut-être avec un nouveau processeur ARM, là? Ben, idéalement, oui, mais la compagnie, par exemple, est un peu en train de s'éparpiller. Ils ont lancé, une clé pour écouter la télé over the air, okay. Avec une option live TV. Ça fonctionne bien si tu peux capter du over the air dans ton secteur. Mm-hmm. Puis là, ils se lancent dans le cloud. Ça a comme pas de rapport, tu sais. Ils ont comme abandonné un peu le produit. Ils ont plusieurs branches à leur compagnie, ouais. Ça veut dire, moi. C'est ça. Puis là, dernièrement, il y a comme eu un... Il y a comme quelqu'un qui a réussi à faire un genre de jailbreak sur la Boxy Box pour essayer de mettre autre chose que la plateforme Boxy dedans. OK. C'est très embryonnaire. Pour jailbreaker la Boxy? Ouais. Elle n'est pas déjà assez jailbreaking même, mettons? Non. Pas assez ouverte. Je pense qu'il devrait travailler sur l'Apple TV 3 en ce moment, là. Perte de temps en ce moment, là. En effet. C'est ça. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est une carte flash qui est à l'intérieur pour la mémoire? C'est quoi? C'est 8 gigs, 16 ou... C'est 8 gigs de mémoire interne. OK. Puis c'est un processeur 1.2 GHz. C'est un Atom. Ah. Puis une carte graphique 400 MHz. Il y a du HDMI, le Wi-Fi est intégré, il y a Ethernet gigabit. Okay. Est-ce qu'elle fait du 1080p? Elle fait du 1080p et elle supporte même le 3D. Ah, mon Dieu! Donc, si, admettons que tu as des MKV en 3D, ça fonctionne. Ah ouais? Ah, puis une télé 3D aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis trois paires de lunettes à 250$ chaque. Bon! Ah, il coûte juste 5$ les versions non actives. Ouais, c'est ça. Il faut pas, c'est ça, comme tu as dit, il faut la télé parce qu'il faut pas juste la Boxy. Faut pas induire en erreur tout le monde. Là. Achetez pas la Boxy si vous avez pas de TV 3D pour avoir de la 3D. Là. Ça marche. Non, ça c'est sûr. Puis aussi, tu sais, le contenu 3D là-dessus, je veux dire, tu sais, c'est pas un lecteur Blu-ray, là, fait qu'il y a quand même de provenance douteuse. Là, ça vient des internets, comme on dit. Ouais, okay. C'est ça. C'est pas nécessairement top qualité. Hein? Non, mais c'est, okay. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, surtout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr que c'est pas top qualité. Donc, t'as raison. Mais pour revenir à Apple TV, on sait maintenant que Apple a sorti la nouvelle version, la version 3G, qui n'est pas encore jailbreakable. C'est quoi en français, jailbreakable? La 3G? Ben, la troisième version. La génération 3. Okay. Ouais. J'étais comme, il me semblait que l'Apple TV, ça se connecte pas en 3G. J'étais comme, quoi? C'est pour pouvoir l'utiliser dans ton chalet ou sur le bateau, un peu mieux d'un Alexis d'un pourrait nous écouter en ce moment là, avec son Apple TV en 3G. Là, mais... Ouais. Je sais même pas si ça se rend là-bas, son 3G. Bon. Bon, je pense pas. Il se déconnecte, il se reconnecte. En tout cas, ah, ouais. il dit que non dans le chat. Ah. Mais peut-être en Edge, s'il est chanceux. Ouais. Mais l'Apple TV, pour le monde qui ne savent pas, c'est comme un. C'est Apple. Alors, c'est vraiment fermé comme interface de la version 2G, parce que la 3G n'est pas jailbreakable encore. La version 2G, la deuxième version de l'Apple TV est jailbreakable, apporte beaucoup de choses si vous le faites, parce que de base, c'est juste l'interface Apple avec Netflix, puis là maintenant YouTube qui est intégré dedans. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose si vous la jailbreakez pas. Je sais que moi, ben là, moi, la mienne n'est plus jailbreakée parce que moi j'ai mis iOS 6 dedans parce que je voulais avoir le memoring de Mountain Lion, que je ne sois pas obligé de brancher mon câble HDMI dedans pour mettre à ma TV. J'aimais bien ça. C'est super le fun parce que c'est comme c'est super là, tu sais, tu peux écouter Radio-Canada, ben, tout.tv, tu peux avoir XBMC comme interface. Plex aussi. Hein? Il y a Plex aussi, qui est vraiment bien, mais c'est ça qui manque un peu à cette version-là, c'est que c'est tellement fermé que c'est un peu plate acheter ça. Puis qu'est-ce que tu pourras avoir avec la deuxième version, parce que là, elle est tellement en demande, parce que Apple n'en fait plus la deuxième version. Fait que quand vous voyez une Apple TV, quand ils ont sorti la troisième version, sur les sites lesmac.com, il y en avait eu peut-être deux ou trois, je pense. Ça se vendait comme 80$ une Apple TV. Mais maintenant, si vous allez sur eBay, c'est rendu un prix effarant, là, parce que... Non, c'est dans les 200. Ah oui, c'est plus achetable. Dernièrement. C'est plus achetable. Je pensais même presque à vendre la mienne. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si tu l'écoutes pas, vendez-la. Je m'en sers, mais... Oh, oui, c'est ça. Avec le prix, je pourrais m'acheter un autre Boxy au pire. Oui, exactement. C'est ça, mais... C'est combien la Boxy? Elle est à 179, mais... Moi, j'en ai deux, puis la deuxième, je l'ai achetée refurbished un moment donné à 139. OK. Donc, je trouvais que c'était quand même pas pire prix. Ouais. Puis c'était avant, dans le fond, que les jailbreaks arrivent sur Apple TV 2. Fait que j'avais pas d'autre chose comme option. Là. Ouais, c'est ça. Parce que faut dire aussi que tantôt on parlait de MKV en 3D. L'Apple TV ne lit pas les MKV. Ne lira jamais des MKV. Non. ce serait étonnant qu'Apple supporte. Il lit si tu le jailbreak. Oui, si tu le jailbreak, mais de base, ça lit pas ça. Ça vaut vraiment la peine pour la jailbreaking. Comme Alexis avec ses enfants, il y a plusieurs. Maintenant, on en parlait. Je vais peut-être radoter. Là. Mais je veux dire, avec ses enfants, il y a plein de liens. Là, comme même avec sa femme. Sa femme est tout le temps sur tout.tv là-dessus. Je ne sais pas s'il fonctionne encore, le tout.tv sur le Apple TV. J'avoue que je ne sais pas, je n'ai pas essayé dernièrement. Ouais, il fonctionne encore, ok, merveilleux. Mais avant, c'était le fun aussi, parce que là, maintenant, le site est fermé, mais on avait accès à. Ice Films? Non, l'autre, là, de. Mega Upload? Oui, Mega Upload, exactement. on avait accès à Mega Upload, mais maintenant, on n'a plus accès à Mega Upload à partir du Apple TV. JF, ça sert à rien de pouvoir se connecter au Mega Upload avec ça parce que on peut pas installer Linux là-dessus. Fait que, tu sais, on sait que Mega Upload, c'est juste pour télécharger aussi, comme des torrents, des distributions de Linux. Fait que, en 1080p. Ça vaut pas grand-chose, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'était le fun. Tu avais l'interface avec Mega Upload. Tu choisissais ta série, puis merci, bonsoir, c'était... Ça passait tout seul, là, mais ça d'après... Comme Kim Jong 2 dit... Non, pas Kim Jong 2. qu'est-ce qu'il disait? Laisse faire! Excusez. Tu voulais dire Kim.com? Moi, Kim.com. J'espère, en tout cas. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais il dit qu'il reviendrait avec un site, mais qui serait indestructible. Là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là. C'est comme je m'abonne demain matin s'il sort. Là. Fait que... Il doit le hoster en Russie ou. Ah, je sais pas ce qu'il va le hoster, là. Mais pour moi, il va. Je sais pas. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va refaire avec ça. Mais pour la Apple TV, Pour ceux qui ne savent pas, ça prend quand même une petite connaissance de base pour faire fonctionner l'Apple TV untethered, parce qu'il faut dire que si, mettons, vous installez... si vous allez installer la version 6, n'est pas jailbreakable, alors s'ils le font, ça serait une version tethered, ce qui veut dire qu'il faudrait que vous laissiez, mettons, votre Apple TV tout le temps allumé, sinon vous êtes obligé de la brancher après un ordinateur pour qu'elle fonctionne. Mm-hmm. Avec une version untethered, vous n'êtes pas obligé, fait que vous pouvez la fermer, la réouvrir. Elle démarre normalement. Elle démarre normalement, exactement. Mais pour faire ça, ça prend au moins la version 5.0.2. C'est la version la plus haute maintenant qui est sur Apple TV, ce qui donne la version iOS 5.1.1. Ça prend un petit logiciel aussi qui s'appelle Season Pass. Ouais. Fonctionne très bien. Fait que vous branchez votre Apple TV après votre ordinateur, ça télécharge le point ISPW du firmware de la machine. Ça inclut tout le code pour jailbreaker la machine. Et vous faites ce qui est à l'écran, puis ça prend 3 secondes, puis merci, bonsoir. Là. C'est comme... c'est assez simple. Après, par exemple, t'es juste à jailbreaker, mais t'as pas... rien de différent. C'est ça. T'as rien de différent. T'as vraiment rien. Il y a pas de... De toute façon, c'est tout comme... qu'il n'y a pas de Cydia là-dessus, il n'y a pas d'application. C'est comme si le monde pense que ça serait comme sur les téléphones qu'il y aurait un Cydia Store, il n'y en a pas. Fait qu'il faut passer par... on peut installer comme... il y a XBMC. Core, hein? qui fait un... Le ATV Flash Media. Oui. Hey, t'as-tu vu la version ATV 2 Black aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as dit, Jeff? Ils vont sortir le ATV Flash 2.0. J'ai vu ça passer aujourd'hui. J'ai pas vérifié, mais j'ai vu passer. Puis là, c'est en version bêta. Je pense que je vais aller m'inscrire. Ah ouais? Juste pour j'ai pas vu qu'il y avait un bêta. Ouais. Mais entre autres, l'avantage de ATV Flash, il apporte un Media Player qu'eux autres même ils ont fait, la compagnie Firecore. Mm-hmm. Puis dans le Media Player, c'est quand même bien fait. Là. Tu peux même changer tes pistes audio. Tu peux même télécharger des subtitles directement de l'Internet pendant que tu joues ton film. Ah, OK. Puis c'est tout bien intégré à l'interface. Là. C'est pas comme le BMC où ce que tu rentres dans une application différente. Là. C'est comme la Boxy a fait à aller chercher tes subtitles, ouais, du film. C'est ça, ça fait ça. Puis ça va aussi chercher des métadonnées là, pour les pochettes, les descriptions de films. Ça fonctionne à peu près comme le Boxy, dans le fond, avec okay. ça. OK. Puis par contre, ça, c'est payant. C'est 30$ pour avoir ça. Mm-hmm. C'est des licences qui durent un an. OK. Puis j'ai contacté la compagnie. J'ai obtenu 2 codes promo qu'on pourrait donner à nos... Mais oui, on a 2 codes promo. Ouais, je sais pas comment vous voulez procéder. Je ne suis pas un habitué. En fait, on va faire un peu comme d'habitude. On va écœurer le monde. Puis on va les obliger à aller dans notre show. Bonne idée. Les amateurs de Marc Bonsoir qui suivraient. Comme ça, on va faire le tirage au début du show. Fait que vous allez être obligé finalement de télécharger, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, vous allez être obligé de télécharger le podcast pour pas entendre ça. Mais ça, on le fera tirer. C'est quoi, tu m'as dit exactement? C'est 2 codes promo qui donnent... chaque code promo donne une licence de ATV Flash Black. ATV Flash, OK. Pour le Apple TV 2. Puis c'est ça. En fait, aussi l'avantage de ça, c'est que ça te donne une interface qui appelle maintenance, puis dans ça, tu peux gérer tous tes plugins sans avoir à te connecter en SSH sur ton Apple TV pour pousser des applications dedans. C'est tout graphique. Mm-hmm. Tu fais ça juste avec la télécommande, puis ça fonctionne. Mais tu m'as parlé d'un autre logiciel que je ne connaissais pas, parce que vu comme je t'ai dit, ça faisait longtemps que la mienne n'était plus jailbreakée. Ouais. Ça s'appelle Nito Installer. Ouais, ben sur si tu jailbreak ton Apple TV, tu as sûrement déjà vu peut-être le Nito Player, mm-hmm. qui est comme Media Player un peu, mais fait par un autre gang de personnes. Ils ont fait, je pense, c'est là, une semaine ou deux seulement, ils ont fait un installateur un peu comme ATV Flash, mais pas mal moins complet. Mm-hmm. Il te permet, sans avoir à te connecter manuellement en SSH, de pousser XBMC, puis le Nito Player aussi. Puis il est gratuit, celui-là. OK. Okay. Est-ce qu'il fonctionne bien? Je veux dire. Oui. J'ai testé pour. Moi, j'avais pas mis XBMC sur mon. T'avais mis Plex? Moi, ouais, j'avais juste Plex. Okay. Puis pour tester Nito Installer, j'ai poussé XBMC. Ça s'est fait en dedans de 2 minutes. Puis l'Apple TV a redémarré. Puis ensuite, j'avais l'icône XBMC. Là. C'est OK. OK. Transparent. Là. Alexis nous fait remarquer un article, là, puis je m'en rappelle, c'est vrai. Les vieux puis les nouveaux Apple TV qui se vendent, par exemple, sur Amazon ou sur eBay, la plus vieille version qui est de 2010, qui est jailbreakable, qui offrait le 720p de, ben, l'année passée, et coûte plus cher, en fait, pour l'acheter sur Amazon ou sur eBay que la nouvelle version parce que, justement, elle est jailbreakable. Fait que déjà là, on voit... C'est pour ça. On voit déjà l'avantage de la plateforme pour ça qu'elle est plus chère, tu sais. Ben parce que tu sais, oui, ok, c'est beau du 1080p, mais du 720p aussi, là, ça fait ben job, là. Mm-hmm. Parce qu'il faut passer aussi la bande passante au Québec. On n'a pas de limité, délimité. Moi, quand je télécharge des émissions qui sont à 1080p, ça prend de la bande passante, s'il vous plaît. Là, fait que faut faire attention. Avec mon 90 gigs par mois, moi, à tous les mois, je rajoute 60 gigs de plus que je paye parce que j'y arrive pas sinon. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gigs. Ouais, c'est ça, mais toi, t'es avec Electronic Box. C'est quoi, toi? Moi, j'ai 475 gigs de limite. Quand même. C'est quoi ton service? C'est avec Electronic Box. OK. Mais le pire avec Electronic Box, là, c'est qu'ils sont sur le réseau de Vidéotron. Ouais. C'est écœurant. C'est comme un revendeur. Oui, c'est ça. C'est comme demain. À partir de demain. Eux autres, ils payent le tarif du CRTC établi, puis ils revendent le service au tarif qu'eux autres ont jugé raisonnable. Oui, c'est ça. Il y a des forfaits de base. Il y en a 250 gigs. Il y en a plein. Oui, il y en a plein, c'est ça. Mais sauf qu'il faut dire aussi que, mettons, si mettons vous allez avec Bell ou Vidéotron, ils vous passent le... mettons le modem ou le routeur sans fil maintenant qui est plus intégré dedans. Mais avec ces compagnies-là, ils vous vendent. C'est ça. Ils vous vendent le modem DOCSIS. C'est à peu près quoi, une centaine de piastres, un DOCSIS à peu près? Ouais, ils vendent 100 piastres, 15 piastres de shipping, plus l'installation obligatoire de 50 piastres. Ouais, c'est ça. Puis le premier mois payé d'avance. Fait que, ça fait quand même une bonne facture. Ça fait une bonne facture le premier mois. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, c'est ça. À partir de demain, dans les librairies, vos bonnes librairies, Protégez-vous, on va faire un numéro spécial sur les fournisseurs d'accès à Internet au Québec. Ils ont pris tous les fournisseurs, puis ils ont... ben, les principaux, là, mettons, Bell puis Vidéotron. Puis après, ils ont sorti toutes les dérivées des autres, mettons, Colbanet, Electronic Box, l'autre... Distributé à la Canac, puis tout ça. Ouais, l'autre avec Georges Larac, là, comment il s'appelle, là? Texavie. Ouais, Texavie. Puis, c'est ça, fait qu'ils montrent tout, là, combien ça coûte entre les deux, tu sais, entre les grosses puissances et les petits, mais... c'est parce que ça vient sur leur réseau à eux autres, là. Tu sais, je veux dire, si vous avez le même service... Tu sais, si mettons Vidéotron plante, votre compagnie avec Electronic Box va planter aussi parce que c'est sur leur réseau. Mais, ouais, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment... C'est sur leur réseau, mais c'est juste ce qu'ils appellent le dernier mille parce que une fois que t'es connecté, c'est quand même routé par Electronic Box, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Demain, j'ai hâte de voir, je vais lire pendant mon dîner, le petit Protégez-vous. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais je vais sûrement, je t'avais le changer, moi, là. Fait que je suis tanné, là, j'ai juste 120 gigs par mois, fait que... Hey, mais je vais revenir dans 2 minutes. Ça sera pas bon. Parenthèse, en fait, il va y avoir un article. J'ai contacté la personne qu'on avait reçue pour... je pense que c'est Eric, mais j'ai oublié son nom de famille, de Protégez-vous, qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques semaines. Un mois et demi, certain. Puis, qui nous avait parlé de l'application iPad. Il m'a envoyé un code, fait que je vais pouvoir l'essayer. Puis, il va y avoir un article qui va apparaître sur MacQuébec, un test complet de l'application iPad aussi. Donc, c'est cool. Vous pourrez lire ça aussi. J'espère que cette version-là va apparaître. Ben, La version que tu parles, là, GF, j'espère qu'elle va apparaître sur l'iPad pour qu'on puisse la lire aussi sur l'iPad. Ouais, ouais, ben c'est ça. Ben, elle est en magasin présentement. Fait que, OK. Fait bon, que c'est le mois de septembre. Fait que c'est sûr qu'il va être là si tu l'actives dans pas long. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il est 10h, messieurs. Alors, on va prendre un petit 5-10 minutes pour ouais. Prendre notre souffle et aller boire un petit verre de quelque chose. Fait que, toi, ben GF, on te retrouve où sur les internets? Ouais, ben moi, on me retrouve à Twitter, à GFroy1979, Facebook, Google+, Instagram. Nommez-les toutes, j'ai toutes le même nom, fait que c'est pas compliqué. Là. Instacube aussi, bientôt. Non, Instacube, non, je pense pas. Dans mon Instacube. Ouais, ouais, c'est ah, ça. Ouais. Non, je suis pas, pas trop photo, moi, là, là, fait que... Je pense pas que je vais acheter ça. Ouais, moi je pense que j'ai 6 photos sur Instagram depuis le début. J'en ai, tu sais, j'en mets, mais je suis pas. C'est ça. Je suis pas photo pantoute. Mais. Puis Patrick, toi, on te retrouve où? Ben moi, le plus simple, c'est sur Twitter, @PDucharme. PDucharme. Ouais. Monsieur que, Ducharme. Ouais, OK, cool. Ben, c'est bon. Moi, on peut me retrouver sur DEVV Miller sur un des internets, sur Twitter. Puis sur l'autre partie des internets, il y a mon site web vmiller.ca si vous voulez me contacter. Je suis au cégep. Je suis très occupé, mais je prends toutes les demandes. Donc, si vous avez une application à développer, iPhone, iPad, iOS, Apple TV, iTélé, bientôt. Donc, fait que c'est ça. Puis, je fais pas de jailbreak, malheureusement, parce que je connais absolument rien au jailbreak. Je connais absolument vraiment rien, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis, ou sinon, ben, comme j'ai dit... Twitter, LinkedIn, Facebook. Malheureusement, j'accepte juste ma famille ou mes amis. Faut que je les aie rencontrés une fois au moins. Là. Fait que GF, il a fallu que je l'accepte force. Il n'y a pas longtemps. Là, ouais, puis, ouais, c'est ça. Il a fallu que je le force pour qu'il m'accepte. Ah, Vincent, t'es plus là. Non, Vincent, il a de l'air de. Vincent a planté. Bon, ben, ça se peut que vous ayez plus de son, alors c'est pas bien grave. On va. Ça se peut qu'il n'y ait plus de son partout parce que c'est tout Vincent qui pipe le son dans ce precast. Fait que. Fait qu'il y a que nous deux, là. Il y a que nous deux. Fait que c'est ça. Fait qu'on va fermer ça là. Alors. Fait que c'est ça. Fait que dans 5-10 minutes, on va revenir pour les inventeurs de Mac. Fait que, Alexis, il dit qu'il nous entend encore. Ah, ouais? Ah bon, mais si vous entendez, OK. Fait que c'est ça. Fait que okay. Dans 5-10 minutes, on va aller pour les amateurs de Mac. Fait que bonne fin de soirée tout le monde. À la prochaine. Dans 3 semaines, on va... Sûrement, excusez, j'ai oublié de le dire. On va prendre une pause de 3 semaines pour finir la saison. On va sûrement revenir pour le keynote du 12 septembre. Alors, soyez avec nous. On va faire de la pub. On va vous... garocher ça quand ça va sortir. On va faire des articles, tout. Alors, c'est ça. Africa. À dans 3 semaines. Bye bye. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.